DJ Nem, o Toca Tudo do Pará. Sachleng. Qu'est-ce que Sachleng chez moi, chérie? Putain. Quand je suis chez moi, je bouffe que des chaussettes. En regardant avec Hélène quelques films obscènes. Elle me dit que l'ambiance ce soir, elle est malsaine. Je lui dis, ferme ta grande gueule, Hélène. Au supermarché, je prends tout ce qui est biologique. Je fais dans l'esthétique et dans la diététique. Elle vaut des hamburgers, des hot dogs, des sandwichs au thon. Du boudin, des acras, des merguez et du mouton. Et après, qu'est-ce qui se passe? Du but du cul. Et après, qu'est-ce qui se passe? Du pudicu. Du pudicu. Du pudicu. Enlouquece, me de prazer. Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você. Quero ser teu eterno amante. Enlouquece, me de prazer. Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você. Dom, ding, ding, ding, ding, dom, dom, dom. Loirinha, ding, ding, ding, ding, ding, dom, dom, dom. Loirinha, ding, ding, ding, ding, ding, dom, dom, dom. Loirinha, ding, ding, ding, ding, ding, dom, dom, dom. Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão. Quando ela chega, balança, estremece meu coração. Seu sorriso lindo.

Tremendas Produções. O Toca Tudo do Pará. Yeah. Detonando no Genissol. Das produções de Icoaraci. Só toca sucesso. Transporte-moi, on manie transport en commun. Tu bouges là, il vient pêcher. Il est content, il m'a l'élevé. À danser, laissez aller.

Thank you. me tombe. Salopoué, laissez ça me rouler. Salopoué, laissez ça me tombe. Salopoué. DJ Ney das Produções. Arremanga la repújala, no. Arremanga la repújala, sí. Arremanga la repújala, no. la sí, arremángala, repújala, no, arremángala, repújala, sí, arremángala, repújala, no, arremángala, repújala, arremángala, repújala, arremángala, repújala, arremángala, repújala, arremángala, repújala, arremángala, repújala, arremángala, repújala, sí. Rapeando arriba la acordeón, tío, es sino pericorriciado. No, for my people, for my Produções, o consagrado de Icoaraci. Me coño la espalda, me hizo más arete después que me come la tusa botó. Me coño la espalda, me hizo más arete después que me come la tusa botó. Y pensó que era un guineo. Me hizo más arete y después que me come la tusa botó. Me coño la espalda, me hizo más arete y después que me come la tusa botó. Me hizo más arete y después que me come la tusa botó. Me cuello la espalda, me hizo más arete y después que me come la tusa botó. Me agarró como un guineo. DJ Nen, produzindo os melhores CDs do Pará.